Caouette, Thériault et Associés, concessionnaires des greffes de Marcel Leblanc, André Gendron et Daniel Fortin, profitent de l'occasion pour vous souhaiter un bel été. Que ce soit pour vos besoins en arpentage, cadastre, certificat de localisation ou autre, communiquez avec Caouette, Thériault et Associés au 418-276-2478. Caouette, Thériault et Associés, 1660 Boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini. Monsieur Henri-Paul Caouette souhaite la meilleure des chances à l'organisation de la classique de volleyball Jeannie Larouche Family Prix qui se tiendra en fin de semaine à la Chute à l'Ours de Normandin. Pendant la classique de volleyball Jeannie Larouche Family Prix de Normandin, votre magasin IGA Denis Cloutier de Normandin vous offre des spéciaux imbattables. Cette semaine, le café Maxwell House à 5,99$, le melon d'eau à 3,99$, le beurre de marque Compliment à 3,33$. IGA Denis Cloutier, 1130 Saint-Cyril Normandin, 418-274-2009. Toute notre équipe souhaite un franc succès aux équipes qui participent à la classique de volleyball Jeannie Larouche Family Prix à la Chute à l'Ours et remercie les organisateurs qui se donnent corps et âme pour en faire un événement majeur pour Normandin. Ici Mario Fortin, maire de la ville de Normandin. Du 11 au 13 août 2017 aura lieu la 16e classique de volleyball de plage Family Prix Jeannie Larouche au site touristique de la Chute à l'Ours à Normandin. En mon nom et celui de mon conseil de ville, j'invite toute la population et les gens de la région à venir en grand nombre encourager nos joueurs de volleyball dans une compétition des plus relevées. Félicitations aux organisateurs et aux joueurs pour ce grand événement sportif qui aura lieu à Normandin. Pendant mes vacances, il y a eu un exploit tout à fait extraordinaire qui s'est passé au cours des aux Jeux du Canada. C'est un athlète du secteur du secteur de Chicoutimi qui a remporté 3 médailles d'or, c'est Anne-Julie Tremblay. Question de savoir un peu comment ça s'est passé. On lui parle. Salut Anne-Julie. Allô. Anne-Julie, vraiment 3 médailles d'or. Est-ce que tu t'attendais vraiment à ça? J'avoue que je m'étais quand même fixé comme objectif d'avoir de remporter 3 médailles, mais j'avais pas dit que je voulais avoir exactement 3 médailles d'or. Mais je savais que de rapporter 3 médailles à la maison, c'était possible. Et finalement, j'ai réalisé 3 fois la première position. Donc, j'étais vraiment contente. Puis, j'étais contente que tout mon corps était prêt pour ça. Puis, que j'avais des jambes. Puis, que j'ai bien répondu à toutes mes courses. Là. OK. Tu as gagné le sprint, le cross-country et le relais. Lequel que tu as trouvé qui t'appelle le plus de satisfaction et qui t'amène peut-être plus encore de, comment je dirais-je, de bonheur? Je dirais que c'est le cross-country, étant donné que c'est vraiment l'épreuve individuelle et vraiment qui représente plus le vélo de montagne. Et c'est l'épreuve la plus longue aussi, puis la plus plaisante quand même, là, qu'on fait le plus souvent, nous, en vélo de montagne. Donc, c'est l'épreuve que je suis plus contente d'avoir apporté une médaille d'or. OK. Est-ce que c'était la plus difficile? Oui, je dirais que c'était la plus difficile au niveau physique. Là. C'est celle-là qui dure le plus longtemps, donc c'est plus difficile physiquement. Puis, comparativement au sprint... Au sprint, il y a des choses qui peuvent arriver et que tu peux pas vraiment contrôler. Mais au cross-country, tu as juste à donner... C'est juste toi qui as juste à donner tout ce que tu as. Donc, je dirais que le cross-country, c'est vraiment mon épreuve favorite. OK, OK. Là, au niveau du relais et au niveau sprint, vraiment, est-ce que la compétition était forte à ce niveau-là? Oui, la compétition est relevée au niveau des deux épreuves. Oui, avec l'Ontario surtout, c'était surtout ceux-là nos plus proches rivaux, l'Ontario, Québec, ça a tout le temps été une grosse rivalité. Donc, il y avait beaucoup de compétition dans ces deux épreuves-là. Oui. Ok. Qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant pour toi là? Parce que j'imagine que ça te donnait un boost de confiance terrible en vue de ce qui s'en vient. Oui, ça m'a donné beaucoup de motivation. Une semaine avant les Jeux du Canada, j'ai reçu mon invitation pour aller au championnat du monde avec l'équipe nationale en Australie. Donc, ça se déroule à la fin, début septembre. Là, là-dessus, tes objectifs, c'est de prendre de l'expérience, j'imagine? Oui, étant donné que ça va être ma première fois au championnat du monde. Donc, je vais prendre de l'expérience, mais en même temps, je pense que je suis capable de de livrer une belle performance au-dessus du niveau international. OK. Là, ce serait pensé, logiquement, ce serait pensé, est-ce que les Olympiques de 2020 sont réalistes ou on y va plus pour 2024? 2024 serait plus réaliste que quant à moi. Là, je pense que 2020, c'est quelque chose qui est très rapproché. Puis dans le sport de montagne, les athlètes atteignent leur sommet plus vieux un petit peu. Donc, je pense que 2024 serait plus réalisable. Mais je suis sûr que des fois, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Si je continue de travailler fort, puis que j'ai des bons résultats encore, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver des fois. Là. OK. Est-ce que tu, niveau commanditaire, ça va t'aider? C'est sûr que mes performances que j'ai eues au Jeux du Canada, puis le niveau médiatique, ça a aidé beaucoup à me faire connaître. Fait que j'espère que je pourrais avoir de l'aide financière de gens qui seraient intéressés à m'aider, parce qu'on en manque, jamais de ça. On n'en fuit jamais. Ben, Angélie, félicitations, ça fut fort agréable. Ben, moi, je l'ai pas suivi parce que j'étais parti en vacances, mais bravo quand même. Et on va voir certainement, peut-être quand tu vas revenir de l'Australie, on va s'en parler. Ouais, c'est bon. Parfait, merci. Merci à Angélie Tremblay de Chicoutimi qui a remporté 3 médailles d'or aux Jeux du Canada.